qu'un nouveau chapitre va s'ajouter ce soir à l'histoire du 7e art. Bonjour à tous. Ceci est une démonstration de cinéma parlant. Très bien, allons-y. Silence ! Silence ! Silence ! On tourne ! Ça tourne ! Attention, action ! Un, deux, test, test, lumière, micro, caméra. Zoom sur le réel, pas une fiction, c'est le kamehameha. Coule pas, on touche les cœurs par effraction. Image subliminale, on mesure l'écart de la passion en faction. Pas la place pour l'ennui ou l'errance, puisqu'il n'y a pas de c'est complet, on repasse. Y'a pas de prochaine séance, la vie de bons moments, mais ne sont pas du ciné. Pas de belle au bois dormant, comme dulciné, comme destiné, des carpe diem, pas de on verra après. Je veux pas mourir de regret, tellement souhaiterais rembobiner. Si nos vies sont des films, j'ai un scénario rocambolesque, rebondissement, happy end. Si c'est un affaire autant que je voulais, j'aurais voulu l'Oscar, parce que prévois mon storyboard. Car si tout est à ma porte, et seul le doute est à ma porte, et quand viendra le générique, que le rideau fera des siennes, être fier avoir pris tous les risques et jouer un rôle à mon échelle. Action! On quitte les starting, on joue avec la même équipe, le même casting. Le moteur tout, l'action, on est de retour, l'action. L'action. On quitte les starting, on joue avec la même équipe, le même casting. Le moteur tout, l'action, on est de retour, l'action. Yeah. J'ai chopé le mic en guise de caméra. Un coup de clap, écarte-toi de là. Monte le son dans le casque, rien ne me calmera, n'entamera mon moral. Je fais mon combat sur un film, je me balade dans le rap comme un acrobate sur un fil. Chaque rime te laisse sur le cul, à t'amputer le coccyx. Quelques réplicules, l'intro, c'est juste le synopsis. Pour le rythme, balance tout quitte le snare et les charlets, on s'applique. Tu t'endormiras pas devant un arbre et Holy's Good. Dès la deuxième scène, on te livre un colis, on sort l'artillerie lourde. Pire qu'à Hollywood, écoute, dans mon texte, je reste strict, fidèle à ce que les infos du script disent. Pour percer, on se dévêtit pas comme dans un striptease. On tripise, enchaîne les Oscars de part de pas de style hasard. De talentueux comme Gérard Depardieu, Diff Tarot, comme Woody et Mario. Ça va peut-être chez Mars, c'est notre 7e Mario. T'as capté le scénario. Action, on quitte les starting, on joue avec la même équipe, le même casting. Le moteur tout, action, on est de retour, action. L'action. On quitte les starting, on joue avec la même équipe, le même casting. Le moteur tout, l'action, on est de retour, l'action.